Bonjour, nous sommes le 14 octobre, un mardi. Mardi. Tant mieux, c'est un bon jour. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai décidé. Parce qu'il fallait bien qu'il y ait un jour un peu moins pourri que les autres. Un jour qu'on attende avec impatience. Parce que si on n'attend rien, on finit par crever. Si tu as choisi le mardi par hasard, tu as eu du flair. Nous sommes mardi et tu sors aujourd'hui. Ton passeport, tu le feras signer dans chaque ville que tu traverseras. Et pourquoi il est jaune? Quoi? Moi je dis pourquoi il est jaune, c'est vrai ça. Le jaune c'est gai. C'est le soleil, c'est la lumière. Vous me donnez un passeport jaune, alors je veux simplement savoir si ça veut dire que ça y est, j'ai le droit d'être heureux. Ton passeport est jaune pour qu'on ne le confonde pas avec celui des honnêtes gens. Pour qu'au premier coup d'œil, tout le monde sache d'où tu viens. Ah, c'est donc ça. Avec le droit. La justice pense à tout. Remarquez qu'avec la gueule que j'ai, je risque pas de passer inaperçu. On va te donner des vêtements civils. Oui. Cela force à mort avant d'avoir fini de purger sa peine. Eh bien oui, la justice n'est pas riche. La perpetuidad no se alcanza con historias. Porque si lo que se quiere es ondear como bandera, habría que recortarse contra la sábana del viento, guardarse del sabor a gaita, quedarse intermitente sobre las aceras. It was my father whom I could lean on all the time. And one day he was telling my brother that he was the head of the family and how he made the money to take care of the family. And I knew it was a lie. And he had never lied. And I heard him telling my brother Sam that. And it was the first time I ever heard him lie. And I said, "You are a liar. You don't take care of this family. And from now on, you are not my father." And he died. And he died. I didn't even go to the funeral. I went and gave a concert at the Kennedy Center in Washington, D.C. And my father was buried that night. And I never got over that. I'm still not over that. Every time he's mentioned, I want him again. He influenced me more than any man in the world. My father always promised me. I wish he was here now. We would live.